Chapitre 43. Combien nos penchants mauvais et les suggestions du démon ont de force pour nous pousser à juger témérairement du prochain et de quelle manière nous devons résister à cette tentation. L'estime et la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes produit un autre désordre gravement préjudiciable. Le jugement téméraire qui nous porte à mépriser le prochain, à le dénigrer et à l'humilier. Ce vice auquel elle a donné naissance, la vaine gloire le fomente et l'entretient, d'autant plus volontiers qu'elle grandit avec lui et arrive peu à peu à se complaire en elle-même et à se faire complètement illusion. C'est ainsi que nous croyons, à notre insu, nous élever à mesure que nous abaissons les autres dans notre estime, persuadés que nous sommes d'être exempts des imperfections que nous nous plaisons à remarquer dans le prochain. De son côté, le malin esprit qui nous voit dans cette mauvaise disposition d'esprit ne cesse pas un instant de tenir nos yeux ouverts et notre attention éveillée sur les défauts d'autrui pour les observer, les contrôler et les exagérer. On ne saurait, si on y prend garde, se figurer les efforts qu'il fait, les artifices qu'il invente pour imprimer dans notre esprit les moindres défauts du prochain quand il ne peut nous en dévoiler de considérables. Puis donc qu'il est attentif à vous nuire, veillez vous-même à ne point vous laisser prendre à ces pièges. Aussitôt qu'il vous représente un vice du prochain, vite portez votre pensée ailleurs. Et si vous vous sentez encore enclin à juger sa conduite, considérez que ce pouvoir ne vous a pas été donné, et que, vous eût-il été donné, vous ne seriez pas à même de porter un jugement équitable, environné de 1000 passions et incliné que vous êtes à penser mal des autres sans raison plausible. Mais le remède le plus efficace à ce mal, c'est d'occuper votre pensée des besoins de votre âme. Vous vous apercevrez de plus en plus que vous avez tant à faire et à travailler en vous-même et pour vous-même que vous n'aurez plus le temps ni l'envie de songer aux affaires d'autrui. De plus, en vous appliquant à cet exercice de la manière convenable, vous arriverez à purifier de plus en plus votre œil intérieur des humeurs mauvaises qui sont cause de ce vice pestilentiel. Songez que le jugement téméraire que vous portez sur votre frère est une preuve que vous avez dans votre cœur quelques racines du mal que vous lui reprochez. Car le cœur vicieux se plaît à voir dans tous ceux qu'il rencontre les vices auxquels il est sujet lui-même. Lors donc qu'il vous vient à l'esprit d'accuser le prochain de quelques défauts, croyez que vous en êtes vous-même coupable et tournez votre indignation contre vous-même. Dites-vous intérieurement, misérable que je suis, plongé moi-même dans ce défaut, et dans de plus grands encore, j'irai lever la tête pour voir et juger les défauts d'autrui. De cette façon, les armes dont vous deviez vous blesser en les dirigeant contre le prochain, ces armes tournées maintenant contre vous-même, apporteront la guérison à vos plaies. Si la faute est claire et manifeste, il faut excuser charitablement celui qui l'a commise, et croire qu'il y a dans votre frère des vertus cachées pour la conservation desquelles Dieu a permis cette chute, ou bien que le Seigneur lui laisse ce défaut pour le rendre plus méprisable à ses propres yeux, lui faire retirer des mépris dont il est l'objet, des fruits abondants d'humilité, et lui procurer ainsi un gain supérieur à la perte qu'il a subie. Et si le péché n'est pas seulement manifeste, mais grave et obstiné, tournez votre pensée vers les redoutables jugements de Dieu, et vous verrez que des hommes plongés auparavant dans toutes sortes de crimes sont arrivés à un haut degré de sainteté, tandis que d'autres qui semblaient avoir atteint le fait de la perfection sont tombés dans un abîme d'iniquité. Partant, tenez-vous toujours dans la crainte et le tremblement, plus pour votre propre salut que pour le salut de qui que ce soit. Imprimez profondément cette vérité dans votre esprit, que tout le bien et toute la satisfaction que vous cause la perfection du prochain est un fruit du Saint-Esprit, et que tout mépris, tout jugement téméraire, toute amertume à son égard vient de votre malice et des suggestions du démon. S'il arrivait qu'un défaut du prochain eût fait sur vous une impression fâcheuse, ne prenez point de repos, ne donnez point de sommeil à vos yeux, que vous ne l'ayez entièrement effacé de votre cœur. Chapitre 44. De l'oraison. Si la défiance vis-à-vis de nous-mêmes, la confiance en Dieu et le bon usage de nos facultés sont, comme nous l'avons montré jusqu'ici, des armes si nécessaires dans le combat spirituel, l'oraison, que nous avons indiquée comme la quatrième arme, est d'une nécessité plus grande encore, puisque c'est elle qui nous obtient non seulement ces trois grandes vertus, mais tous les biens que nous pouvons espérer du Seigneur notre Dieu. L'oraison, en effet, est le canal qui nous transmet toutes les grâces qui découlent sur nous de cette source de bonté et d'amour. Par l'oraison, si vous vous en servez bien, vous mettrez dans la main de Dieu une épée avec laquelle il combattra et triomphera pour vous. Or, pour bien user de l'oraison, il faut que vous soyez habitués ou que vous mettiez tous vos soins à vous habituer aux choses qui suivent. Premièrement, il faut qu'il y ait toujours dans votre cœur un désir ardent de servir Sa Majesté souveraine, en toutes choses et de la manière qui lui plaît davantage. Pour vous enflammer de ce désir, considérez attentivement que Dieu mérite, plus qu'on ne saurait le dire, d'être servi et honoré à cause de l'excellence ineffable de son être, de sa bonté, de sa grandeur, de sa sagesse, de sa beauté et de toutes ses infinies perfections. Qu'il a travaillé et souffert durant 33 ans pour notre salut, qu'il a pensé et guéri nos plaies infectes, non pas avec de l'huile, du vin et des lambeaux de toile, mais avec la précieuse liqueur sortie de ses veines sacrées et avec ses chairs très pures déchirées par les fouets, les épines et les clous. Considérez enfin qu'il est pour vous d'une importance extrême de le servir, puisque c'est le moyen de vous rendre maître de vous-même, victorieux du démon et enfant de Dieu. Deuxièmement, vous devez croire avec une foi vive et confiante que le Seigneur est disposé à vous donner tout ce qui vous est nécessaire pour son service et votre bien. Cette sainte confiance est le vase que la miséricorde divine remplit des trésors de sa grâce, et plus ce vase est large et profond, plus abondantes seront les richesses que l'oraison attirera dans votre sein. Et comment Dieu, qui est tout-puissant et immuable, pourrait-il ne pas nous communiquer ses dons, après nous avoir fait un commandement exprès de les lui demander, et après avoir promis son esprit à ceux qui l'imploreraient avec foi et persévérance? Troisièmement, il faut vous mettre en prière avec l'intention de faire la volonté de Dieu et non la vôtre, tant par rapport à l'acte même de la prière que par rapport à l'effet qu'elle doit obtenir. C'est-à-dire que vous ne devez prier que parce que Dieu le veut ainsi et que vous ne devez désirer d'être exaucé que pour autant qu'il plaira au Seigneur. En un mot, votre intention doit être d'élever votre volonté jusqu'à la volonté de Dieu et non pas de plier sa volonté à la vôtre. Votre volonté, corrompue et gâtée par l'amour-propre, tombe souvent dans l'erreur, tandis que la volonté de Dieu est toujours unie à une bonté ineffable et ne peut jamais errer. C'est à ce titre qu'elle est la règle et la maîtresse de toutes les volontés et qu'elle mérite et exige que toutes, sans exception, la suivent et lui obéissent. Aussi ne devez-vous demander que les choses que vous savez être conformes au bon plaisir de Dieu. Et, si vous avez un doute à cet égard, ne les demandez que sous la condition que le Seigneur veuille bien vous les accorder. Quant aux choses que vous savez positivement lui être agréables, comme les vertus, vous les demanderez plus pour lui plaire et le servir que pour tout autre motif et toute autre considération, si pieuse qu'elle puisse être. Quatrièmement, il faut que vous alliez à l'oraison ornée d'œuvres en rapport avec vos demandes, et qu'après l'oraison, vous vous appliquiez de toutes vos forces à vous rendre digne de la grâce et de la vertu que vous désirez obtenir. Il faut en effet que la pratique de l'oraison soit accompagnée de la pratique de la mortification, et que ces deux choses se succèdent sans interruption, car ce serait tenter Dieu que de demander une vertu et de ne rien faire pour l'acquérir. Cinquièmement, que vos demandes soient précédées d'actions de grâce pour les bienfaits reçus. Dites au Seigneur, « Ô mon Dieu, qui m'avez créé et racheté par votre miséricorde, qui m'avez tant de fois délivré des mains de mes ennemis, que j'en ignore moi-même le nombre, venez maintenant à mon aide et accordez-moi la grâce que je vous demande, sans tenir compte de mes infidélités et de mes ingratitudes continuelles. Si, au moment de demander une vertu particulière, il se présente une occasion de vous y exercer, n'oubliez pas d'en remercier le Seigneur comme d'un bienfait signalé. » Sixièmement, comme l'oraison emprunte sa force et la vertu qu'elle a de fléchir le Seigneur à la bonté et à la miséricorde qui est le fond de sa nature, au mérite de la vie et de la passion de son Fils unique, à la promesse qu'il a faite de nous exaucer, vous terminerez vos demandes par une ou plusieurs des formules suivantes. Seigneur, accordez-moi cette grâce par votre miséricorde infinie, que les mérites de votre divin Fils m'obtiennent la grâce que je sollicite. Souvenez-vous, mon Dieu, de vos promesses et prêtez l'oreille à ma prière. Parfois aussi, vous implorerez les grâces de Dieu par les mérites de la Sainte Vierge et des autres saints, car ils ont beaucoup de pouvoir dans le ciel, et le Seigneur se plaît à les honorer, en récompense des honneurs qu'ils ont eux-mêmes rendus à sa divine majesté quand ils étaient sur la terre. Septièmement, il faut persévérer dans l'oraison. L'humble persévérance finit par vaincre l'invincible lui-même. Si les instances et les importunités de la veuve de l'Évangile ont pu fléchir un juge impie et inhumain, comment notre prière n'aurait-elle pas la force d'incliner vers nous celui qui est la plénitude de tous les biens? Ainsi donc, quand même, après votre oraison, le Seigneur tarderait à venir et à vous exaucer, que dis-je, quand même il semblerait vous rebuter, continuez à prier et à tenir ferme et vive la confiance que vous avez en son secours, parce qu'en Dieu ne manque jamais les ressources nécessaires pour faire du bien aux hommes, qu'elles surabondent au contraire sans bornes ni mesures. C'est pourquoi, s'il ne manque rien de votre côté, soyez convaincus que vous obtiendrez toujours ce que vous demanderez, ou quelque chose de plus utile encore, ou même les deux choses à la fois. Et plus il vous semblera que vous êtes rebuté, plus vous vous humilierez à vos propres yeux et, le regard fixé d'un côté sur votre indignité et de l'autre sur la divine miséricorde, vous vous efforcerez d'accroître votre confiance en Dieu. Si vous savez la maintenir vive et ferme, les assauts qu'elle aura à soutenir ne feront que la rendre plus agréable au Seigneur. Enfin, remerciez-le sans cesse, bénissez sa bonté, sa sagesse et son amour, aussi bien lorsqu'il vous rebute que lorsqu'il vous exauce. Et, quoi qu'il arrive, tenez votre âme tranquille et joyeuse dans une humble soumission à sa divine providence. Chapitre 45. Ce qu'est l'oraison mentale. L'oraison mentale est une élévation de l'âme à Dieu, dans laquelle on lui demande actuellement ou virtuellement les choses que l'on désire. Demander une grâce actuellement, c'est formuler mentalement sa demande de la manière suivante ou d'une façon équivalente. Mon Seigneur et mon Dieu, accordez-moi cette grâce pour l'honneur de votre saint nom. Ou encore, Seigneur, je crois que vous désirez et qu'il est de votre gloire que je demande et que j'obtienne cette grâce. Accomplissez donc maintenant en moi votre divine volonté. Dans les assauts que vous livreront vos ennemis, vous prierez de cette manière. Seigneur, hâtez-vous de me secourir, de peur que je ne cède aux efforts de mes ennemis. Ou encore, mon Dieu, mon refuge, unique force de mon âme, venez vite à mon aide de peur que je ne succombe. Et si la lutte continue, continuez à prier de la sorte, en résistant courageusement à l'attaque. Quand le plus fort du combat sera passé, tournez-vous vers Dieu et priez-le de considérer la force de l'ennemi qui vous a combattu et votre faiblesse à lui résister. Dites-lui, voici, Seigneur, la créature que vous avez formée de vos mains miséricordieuses et que vous avez rachetée au prix de votre sang. Voilà l'ennemi qui veut vous l'enlever et la dévorer. Seigneur, j'ai recours à vous. J'ai confiance en vous qui êtes tout-puissant et infiniment bon. Voyez mon impuissance et le danger où je suis. Si vous ne m'aidez, de devenir volontairement son esclave. Venez donc à mon secours, ô vous qui êtes l'espérance et la force de mon âme. Demander virtuellement, c'est élever son esprit à Dieu pour obtenir ses grâces, en lui découvrant nos besoins sans rien dire davantage. M'étant donc mise en la présence de Dieu, je confesse mon impuissance à éviter le mal et à faire le bien. Et, enflammée du désir de le servir, je tiens les yeux fixés sur le Seigneur, attendant son secours avec humilité et confiance. Cet aveu, ce désir enflammé, cette marque de confiance est une prière qui demande virtuellement à Dieu la grâce qui m'est nécessaire. Et plus l'aveu est sincère, plus le désir est enflammé, plus la confiance est vive, plus aussi la prière est efficace. Il y a autre sorte encore d'oraison virtuelle plus courte. C'est un simple regard de l'âme vers Dieu pour l'inviter à nous secourir. Ce regard est le rappel tacite d'une grâce déjà demandée et une nouvelle instance pour l'obtenir. Tâchez d'apprendre cette sorte d'oraison et de vous la rendre familière, car, l'expérience vous l'apprendra, c'est là une arme que nous tenons partout et toujours à notre disposition. Une arme si utile et si puissante qu'aucune parole ne saurait vous en faire comprendre le prix. Chapitre 46. De l'oraison qui se fait voie de méditation. Si vous voulez prier pendant un certain espace de temps, une demi-heure, une heure ou plus encore, vous devez joindre à leur réseau la méditation de la vie et de la passion de Jésus-Christ, en appliquant chacune de ces actions à la vertu que vous voulez acquérir. Si vous désirez, par exemple, obtenir la vertu de patience, vous choisirez pour sujet de méditation quelques circonstances de la flagellation. Vous considérerez premièrement comment les soldats, sur l'ordre de Pilate, traînèrent le Sauveur au lieu désigné pour la flagellation, en l'accablant de cris de haine et de railleries sanglantes. Deuxièmement, comment les bourreaux le dépouillèrent de ses vêtements et laissèrent son corps très pur, exposé au regard du public. Troisièmement, comment ses mains innocentes, fortement serrées l'une contre l'autre par des liens cruels, furent ensuite attachées à la colonne. Quatrièmement, comment son corps déchiré et mis en lambeaux, à coups de fouet, inonda la terre de ruisseaux de sang. Cinquièmement, comment les coups ajoutés aux coups renouvelaient et aggravaient sans cesse ses blessures. Vous étant ainsi proposé pour acquérir la patience de méditer sur ces différents points, vous vous exciterez d'abord par l'imagination, à ressentir le plus vivement possible les douleurs amères et les tourments affreux que votre bien-aimé Sauveur endurait dans chacun de ses membres adorables et dans son corps tout entier. Passant ensuite à son âme très sainte, vous essayerez de vous représenter la patience et la mansuétude avec laquelle il a supporté ses incroyables douleurs et la soif insatiable qu'il avait de souffrir des tourments plus grands et plus atroces encore pour la gloire de son Père et pour notre salut. Cela fait, considéré comme votre divin Sauveur, brûle du désir de vous voir endurer patiemment votre affliction. Voyez comme il se tourne vers son Père et le conjure de vous accorder la grâce de porter avec résignation la croix qui vous afflige en ce moment, ou tout autre qu'il lui plaira de vous envoyer. Efforcez-vous alors de fléchir votre volonté pour l'amener à supporter patiemment ses épreuves et tourner votre pensée vers le Père céleste. Remerciement d'abord de l'amour immense qui l'a poussé à envoyer son Fils unique sur la terre, afin qu'il y souffrît d'affreuses tortures et qu'il y intercédât pour nous. Demandez-lui ensuite la vertu de patience, au nom des souffrances et des prières de son divin Fils. Chapitre 47. D'une autre manière de prier par voie de méditation. Vous pourrez, pour prier et méditer, suivre une autre méthode encore. Après avoir considéré attentivement les afflictions du Sauveur et avoir vu des yeux de l'Esprit son empressement à les embrasser, vous passerez de la grandeur de ses tourments et de sa patience à deux autres considérations. L'une aura pour objet ses mérites infinis. L'autre, le contentement et la gloire que la parfaite obéissance de Jésus, souffrant, a procurés à son Père céleste. Vous pourrez appliquer ce mode d'oraison non seulement à tous les mystères de la passion de notre Seigneur, mais à tous les actes, soit intérieurs, soit extérieurs, qu'il faisait en chacun de ces douloureux mystères. Chapitre 48. Comment nous pouvons méditer en prenant pour sujet de méditation la bienheureuse Vierge Marie. Outre les diverses manières de méditer et de prier que nous venons d'indiquer, en voici une autre qui se fait en prenant la Sainte Vierge pour sujet d'oraison. Vous la pratiquerez en tournant votre pensée d'abord vers le Père éternel, ensuite vers le doux Jésus et en dernier lieu vers sa très glorieuse Mère. À l'égard du Père éternel, vous considérerez deux choses. La première est la complaisance qu'il a eue de toute éternité en contemplant la Vierge Marie en lui-même, avant qu'il ne l'eût tirée du néant. La seconde, les vertus et les actions de Marie depuis le premier instant de son existence. Voici comment vous méditerez sur le premier point. Élevez-vous par la pensée au-dessus de tous les temps et de toutes les créatures, et, pénétrant jusqu'au sein de l'éternité et de l'entendement divin, considérez avec quelle satisfaction le Père éternel contemplait dans son essence celle qu'il destinait pour mère à son Fils unique. Et trouvant Dieu lui-même en ses délices, conjurez-le en leur nom de vous accorder la force dont vous avez besoin pour terrasser vos ennemis en général, et en particulier celui qui vous presse en ce moment de ses attaques. Passant ensuite à la considération des vertus sans nombre et des actions héroïques de cette Mère très sainte, présentez-les à Dieu, toutes ensemble ou chacune en particulier, et demandez en leur nom, à son infinie bonté, les grâces qui vous sont nécessaires. tournant ensuite votre pensée du côté de votre divin sauveur. Vous lui rappellerez ce saint virginal qui l'a porté durant 9 mois, le respect avec lequel, après sa naissance, la Vierge très pure l'adora et le reconnut tout ensemble pour vrai homme et vrai Dieu, pour son Fils et son Créateur. Les sentiments de compassion qu'elle éprouvait en le voyant si pauvre, l'amour avec lequel elle le pressait sur son cœur, les baisers si doux qu'elle déposait sur ses lèvres divines, le lait dont elle le nourrit, les fatigues et les angoisses qu'elle soutint durant sa vie et sa mort. En évoquant ses souvenirs, vous ferez au cœur de son Fils une douce violence pour l'amener à exaucer votre prière. Vous tournant enfin vers la très sainte Vierge, dites-lui que la Providence et la bonté divine l'ont destinée de toute éternité à devenir la mère de la grâce et de la miséricorde et l'avocate des pécheurs, et que, par conséquent, elle est, après son divin Fils, notre plus sûr et notre plus puissant refuge. Rappelez-lui encore cette parole écrite à son sujet et confirmée par tant de miracles, que jamais on ne l'a invoquée avec foi sans avoir ressenti les effets de sa miséricorde. Enfin, vous lui mettrez sous les yeux les tourments que Jésus-Christ a endurés pour notre salut et vous la supplierez de vous obtenir, pour la gloire et la consolation de ce Fils si cher, la grâce de profiter de ses souffrances.